Bah écoutez, on va remettre. Tu veux rechanter ou pas? Allez, c'est parti. J'aime quand il est motivé. Je remets du début? Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras. Je donnerai tout pour être dans tes bras. Et j'ai tant de te haïr, mais la colère. Qui est devant ou c'est comment là? Oh, oui. Just thinking. Ok. Ça reprend, les amis. On est en direct. Nous sommes en direct actuellement. On va faire une petite pause. Il est quelle heure là? Il est 16h35. On va mettre une pause musicale. On va réécouter une chanson. On va écouter. Allez. Hein? On a déjà écouté Lunatic. Oh. Ok. Eh ben, on va écouter Lunatic. Et le titre, c'est HLM. Eh ben, grosse pensée à ceux qui vivent en HLM avec les canicules. Avec cette canicule, hein, on pense fort à vous. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est très important. Et si vous avez des animaux chez vous, ne les sortez pas, parce qu'avec cette chaleur, il fait très très chaud dehors. Voilà. C'était le message préventif du jour. Donc on va écouter HLM de Lunatic. Si ça veut bien. Attends, c'est ce que ça marche parce qu'il a un problème de connexion. On a que des on a des problèmes techniques sur techniques, mais c'est pas grave. On fait quand même notre job parce qu'on aime ça. Et c'est pas tous les jours que vous verrez des gens aussi timbrés à faire de la radio alors que les piles durent 5 secondes. Pas vrai, Jason? C'est bien, tu as réussi quand même à chanter. Hein. Ouais, Jason, il a chanté, il a une belle voix. Voilà, on peut le dire. Ok. Allez, Lunatic. Attends, une seconde, parce que ça ne cherche pas. Il y a des problèmes. On va écouter du Lunatic, Macaire. Ouais, c'est parti. Comme il a dit le boss, c'est parti. Est-ce qu'on arrive à les trouver par. Il n'y a plus personne. Hein. Ils sont tous en train de fumer dehors. Allez, c'est parti, on filme la psychiatrie qui fume dehors. C'est parti en fumée, c'est ça veut dire. Inès, elle est pour toi, c'est vrai. Je te jure que aujourd'hui, la radio a commencé quelque chose ici. Attends, ça commence à prendre le tournure. Oui. On va dédicacer un morceau de Lunatic. Je te fume un peu ce qui se passe. On peut l'attendre, on peut voir autre chose. Attends. Sinon, on va mettre une autre chanson, c'est pas grave. Oui, c'est notre plus certain. Ouais. Bonjour. C'est fini? Non, on est en plein dedans. On fait une petite. On a un problème de pile, mais asseyez-vous, bienvenue. Ils sont en train de prendre une pause cigarette et on est en direct. Ça, c'est Jabis, Nigeria 70. La Lunatic HLM. Que ça soit clair, si rap c'est un pour la rue, deux et trois pour la maille frère. T'attends pas à me voir faire le pantin sur scène. Laisse ça au putain, avance de façon obscène. Du matin jusqu'au soir, meuf c'est tout au sel. Traîne dans mes Stan Smith blanches, avec les raps à Renoir de ma branche. Marche en silence, toujours à penser. Peu d'argent donc peu de dépenses. Quand tu comprends ça, pour eux c'est niqué. J'amène ma stricte réalité. D'ici décor mon secteur, scat au ghetto plaster. Ton poste récepteur. Je te rappelle juste, j'aime pas les flics. J'aime pas les blonds bornes, j'aime pas les matos. Attends, en place une pour les frères au bagne. Donc je te disais, j'aimais pas les sourires trop aiguisés. J'aime pas les juges, les procureurs, leurs jeux truqués depuis l'Elysée. Analyse mes textes, canalise mes nerfs. Maintiens positive mon énergie. Pour pas mon double, moi le sien. Et la force se multiplie. J'kiffe les business illégaux, l'ensemble casser l'ego. Smoker des gros bout de shit, après j'ai le gros gramme. Peu d'arf sexe, puis arf sec dans mon clan. C'est la haine, j'peux pas faire mieux que mon rap de banlieue. J'rappe comme j'cause, y'en a grosse dose. dose, la rage comme guide. C'est pour ça que je parle toujours des mêmes choses. Chasse de la zone, prône la guerre aux autres hommes. Ce qui parle trop mal chope, dehors sous le trône. J'aime la grande vie, c'est la merde, mais je l'aime car c'est la mienne. Y'a pas de bonheur sans problème. Réveil impulsif, qu'on a spliff de skunk. Et je kick sur un beat de funk. Pas de lyrics de fils de pute. Assolant même sur mes bulletins, cousin, je suis le bitume avec une plume. Faut que je passe au plan B. Veulent diviser mon peuple en deux, l'an deux, j'attends ça depuis l'an dos. A-L-I, celui qu'on aime ou qu'on haït. Un jour je te souris, un jour je te crève. L-U-N-A-T-I, c'est oubli. Tous les ragots et chichi, pédale si tu veux doubler. Taf dur, mais avant réfléchi. Tu veux rappeler pourquoi et pour qui. La gloire, le cash, le sexe, tout ce qui en suit. Pour ça tu donnerais ta vie, hein. A mon avis, petit, avant de penser à ça, garde tes manies. Reste simple, surtout observe comment je maîtrise les manies. La rime réanime le rap, juste pour ceux qui le croyaient mort. Au passage, place une case dédiée à mon propre sang ou ma remédie. C'est la patate, quand y'a plus de chat que l'effet du shit shit. Quand tu dois faire un que truc, tes potes se shit dessus. Déçu, des embrouilles, on connaît l'issue. Des gouttes de sang et pas de froid, malheureusement. En temps de guerre, je suis à la caserne. J'ai envie de ken, j'ai la force comme Anakin, j'opère au laser. Au laser, mais. Mes frères pensent qu'à suriner, à dépenser jusqu'à se ruiner. Réunis, taille aux juste érinis. Trop timunique quand les victimes nient. Qui suce ma bite, je suis mi-homme, mi-bête. Mis au courant par le beat, ça paye des minuit. Si ma haine diminue, c'est que les porcs sont morts et qu'il me reste plus que 10 minutes. Dans ce monde de pute, j'ai du mal à fixer ma vie. Si je t'ai baisé, viens pas me dire que c'est ma fille. Ça tourne et la chance pas. Je rappe que de bar et de BM, je suis un de ces mômes qu'on recense pas. Aux normes difformes. Critique dans l'idyllique, c'est parce que dit leur femme. Surprenant comme un hindou qui deal. Peser son pensée, c'est s'arracher de cette ville. Ça la tâte pas, même en l'an 2000. Nos vies la même saga pour ceux qui prennent les gires pour repère. A chacun ses empreintes, mais sur la même sphère. Pour que l'enfant, l'ennemi toujours aux aguets. On vit en jalousie de ta ville jusqu'à la mienne. Narqué par les flics et pire par les faux frères. Ceux qui portent l'œil pour eux, je suis navré. Je lâcherai mon argot tant que le Très-Haut nous le permet. PO, vrai frère, mal également. Lunatique en fusion pour nos existences. Trop souvent la même conclusion. On perd le jeu et le nord. Ici c'est soit ennemique, soit on sneak. Lance ton regard dehors, c'est A-L-I. A pour l'Afrique, L pour ma loi suprême. Représenté par le I, Islam. A ceux qui nous comprennent, salam. Je représente l'homme et sa couleur. Comprends que notre douleur devienne colère. Quand l'État nous diabolise comme à Salem. Donc honneur, hommage aux têtes noires, marron et beige. Cortège abreuvé par la terre mère. A-L-I Bouba, du Nil au fleuve Niger. On sont récités par les voix des HLM, je crois. Ceux qui traitent les meufs de chiennes et veulent des M3. On n'a pas les mêmes droits, donc je lève mon troisième doigt. Je suis en droit de mon Dieu, perdu dans ce monde récité. Par les voix des HLM, je crois. Ceux qui traitent les meufs de chiennes et veulent des M3. On n'a pas les mêmes droits, donc je lève mon troisième doigt. Je suis en droit de mon Dieu, perdu dans ce monde récité. Par les voix des HLM, je crois. Ceux qui traitent les meufs de chiennes et veulent des M3. On n'a pas les mêmes droits, donc je lève mon troisième doigt. Je suis en droit de mon Dieu, perdu dans ce monde récité. Par les voix des HLM, je crois. Ceux qui traitent les meufs de chiennes et veulent des M3. On n'a pas les mêmes droits. Je lève mon troisième doigt. Je viens en trois de mon Dieu. Perdu dans ce monde récité. C'est un pour la rue, deux et trois pour la maille, frère. T'attends pas à me voir faire le pantin sur scène. Laisse ça au putain, avance de façon. Hola, bebé, llégame a yo, dime qué fue. Estoy en el hotel donde lo hicimos la última vez. Esa noche me dijiste que... que no te quedas. Y déjate los panties en el cuarto pa' que no te olvidaras. Cuando lo pasas a buscar, pa' volver a bellaquear. Que esta cachonda lo niega, tú eres doble cara. Esa noche me di. Y ya deja tu loquera, siempre se hace lo que quiera. Tú eres una aventurera, sí. Tu rabia es pasajera, baby, tú no me superas. Ya tú me haces pinchadera, sí. Solo en la cama nos entendíamos. Cuando estaba prenda no comíamos. Chorre bellaquera nos decíamos. Y solo por ese momento nos amábamos. Esa noche me di. We'll be right back. those Russians. Et nous sommes de retour. Hey. Nous sommes de retour sur Radio Métanoïar. C'est le nouveau nom de l'émission, parce qu'apparemment, un auditeur nous a donné cette idée de nom, Radio Métanoïar, qui mélange le métanoïa et l'art. C'est pas seulement un auditeur, c'est Amina, qui venait avant tout le temps ici, mais elle ne vient plus. Ouais. Et Amina, on te dit bonjour si tu nous écoutes, parce qu'elle a dit qu'on pouvait s'appeler Métanoïar. Comme ça, c'est la création de Métanoïar. On a le brevet pour s'appeler... On a le brevet, brevet, c'est approuvé. C'est super. À juger, voilà. Siol, bon, tu voulais nous parler de quelque chose aujourd'hui, Siol? Oui. Attends, prends un micro, là, d'un autre. Oui, voilà, voilà. Chacun bonjour. Son micro. Bonjour, Siol. Oh, il a le droit de l'effet, lui. Ouais, non, vas-y, vas-y. Bonjour à tous, c'est Siol, et du coup, aujourd'hui, je viens vous parler de... Quel numéro? C'est le numéro 2. Le numéro 2. Merci. De rien. On t'écoute. Alors oui, donc aujourd'hui je voulais parler de la création du Mixcloud, enfin de la page Mixcloud de la radio, donc Métanoïar, Art, et pas Métanoïac. Ça a changé. Pas grave, on change tout le temps, c'est ça. On change. C'est comme ça, c'est comme la vie, on change. C'est ça, les changements, ça fait partie de la vie. Et du coup voilà, donc la page a été créée, donc on m'a attribué la tâche de poster les podcasts qui ont été faits précédemment et qui ont aussi ceux à venir qui seront postés durant la semaine et du coup vous pourrez les écouter directement sur la page et vous abonner, vous enfin avoir le lien directement de la lien aussi. Il y aura aussi j'imagine, enfin j'espère que je pourrai enfin pour inclure le lien de la radio directement pour qu'on puisse nous écouter en direct. J'ai mis sur la bannière de la radio qu'on est en live tous les mercredis. Ouais. Donc il nous faut juste le lien. J'aurai le lien de la radio. Bon, on va être en Pinode et aussi sur le Mixcloud. C'est ça. L'avantage aussi. Et le Mixcloud, après, on va l'intégrer sur la page Pinode. On va faire aller-retour. Et c'est Métanoïac, hein, c'est ça, le Mixcloud. Oui, c'est ça. Métanoïac, c'est ça. Comme on s'appelait avant. Hein, parfait. Ça, pour l'instant, c'est ça. Parce mais que après, ça on peut changer. On va changer du coup en Métanoïart. Oui, mais on peut, aller, on, peut, aller. On peut aller comme ça. Comme on va tellement vite, on change tellement vite à la radio. Ouais. Ici que des fois, l'écrit, ça ne suit pas le rap. Oui, bah, ça peut arriver. Allez, il est 16h55. Mais attends, mais continue si on n'a pas fini. Continue. Bah écoutez, j'ai fait un premier assemblage de live. Donc et c'était vraiment super intéressant parce que j'ai pu écouter des lives où j'étais pas présent. Et j'ai vraiment aimé en fait le rendu que ça a fait parce qu'il y avait une partie off donc qui est inclus dans l'assemblage et la partie off est vraiment intéressante parce que tout le monde se met à parler, à faire des bruitages et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a les effets, il y a l'écho, il y a le delay, il y a tout le reverb, tout est bien placé. Et je trouve que ça fait vraiment une bonne continuité avec ce qui va arriver avec la suite dans le podcast. Donc c'est super intéressant. Donc, j'ai bien aimé le faire. Ouais. Et du coup, je vais le poster dès ce soir. Du coup, vu que j'ai l'approbation de Martin. Donc, ouais, non, mais tu as l'approbation. Hein. Tu le vas, tu le postes et on va. Et t'es payé et pour après, faire on ça peut, ou pas on peut non. Parler. Et je ne veux pas te payer pour ça. Bah, Martin, pourquoi tu ne le payes pas ouais, ça je c'est, paye c'est, personne. Je suis pas. C'est affreux de faire des podcasts. Non, moi, j'achète des piles de ma poche déjà. Je suis payé. Je suis payé autrement. Je suis payé. Non. Non, c'est pas une question de rémunération, c'est plus du partage c'est et de l'art. C'est de l'art. Quel homme. Il faut être, je dirais. Généreux. Oui, généreux, mais c'est pas la générosité, c'est juste. Il faut être solidaire. Il faut faire ça dans un but pour justement la radio. Non, et après, tu vois, par exemple, Spotify, lui, qui a 200 000 écoutes, il paye 1 euro. Donc, ouais, tu vois, ouais mais c'est grave, ça franchement c'est grave. Tu vois, ça des gens qui sont multimilliardaires, des trucs que paye personne. C'est vrai ça. C'est avec les milliardaires, on serait tous riches. Ouais. Ça c'est profond ce que tu viens de dire. Ah ouais, on serait tous riches. Oui. Ouais, y a beaucoup de pauvres. Hein. Qu'est-ce que. Tu peux passer mais, le micro à... Ouais, où est la pauvreté maintenant? Il y a un micro pour chacun là. Prenez un micro. On va se faire engueuler par le micro maintenant. Allô? Oui? Oui, je disais, il y a beaucoup de pauvres, mais on les voit pas. Ah oui? Voilà à Paris, et quand on va à Paris, moi quand je vais à Paris en général, j'y vais très tard. Ouais. Quand tout le village avant-y dort, là je sors. Puis des fois, on me regarde, on me dit, mais où tu vas comme ça? Mais ça ne te regarde pas. Et d'où tu viens? Et d'où tu viens? Mais qui es-tu? Mais je suis un tonton. Un tonton décalage. Alors je sors, mais on me suit. On me suit. Après, quand je suis à la défense, je te plie des billets et puis il y en a qui se relèvent. Ou alors je les remonte leur pantalon et tu comprends pas pourquoi. Mais j'ai pas été à la défense, j'ai été à Saint-Germain-des-Prés-Prendre à Monaco. Oh. Et puis après, je me suis retrouvé ici. Pourquoi? Maman, ça fait combien de temps que tu es ici que tu sors pas? Ça fait 3 ans. C'est normal? C'est pas normal. Moi, je crois pas. Je ne peux pas jurer, mais. Je pense qu'une dame comme ça, elle a le droit d'être partout. Et non, parce que Monaco, c'est pas pour moi. Ça, c'est clair. C'est pour les riches, il paraît. Non, c'est pour les beautés. Mais y a-t-il c'est comme le Crazy Horse, il paraît qu'il est fermé. Mais toi, tu n'es pas une beauté, toi? Ah, si. Je suis parti d'une beauté, mais. Une beauté intérieure que l'être a déposé avec un cœur. T'arrêtes pas de chialer. Pourquoi? Parce que M. Binet, il est parti. Monsieur Binet? Comment il s'appelle déjà? C'était mon confident, M. Binet. Et quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il fait ce qu'il veut avec ses tifs et il fait ce qu'il veut avec son nez. Mais j'ai peur, j'ai cru qu'il était parti. Il avait l'habitude de dire, Monsieur Binet, il disait toujours, arrête ton baratin. Oui. Arrête ton baratin. Et il partageait tout avec moi. Les pleurs, il a pleuré avant de partir. Mais je pense que je vais aller le visiter avec un infirmier. J'emmènerai une gerbe de fleurs et une boîte de chocolat. Très bonne idée. C'est mignon. C'est une très bonne idée. Très, très mignon. D'ailleurs, vous partez la semaine prochaine à Marseille. Je pars mardi à Toulouse. À Toulouse, voilà. Oh. Et après, peut-être que j'irai faire un saut au Vieux-Port à Marseille. Waouh. C'est bien. Ouais, Marseille, ça revient en force aujourd'hui. Allez. Là, aujourd'hui, c'est Marseille. Hein. Allez, l'OM. Hein, Kiki, si tu nous entends, force à toi. J'espère qu'on se reverra soit dans le stade Vélodrome, soit à l'équipe de France. Et puis, au pire, on finira la carrière sur le sable à l'Eric Cantona. Ici, c'est Paris. Ouais. Hey, d'abord c'est Bordeaux pour moi, après c'est d'abord c'était hey, tu sais quoi, à l'époque c'était au chat de Paris et pourtant je suis parisien mais j'avais pas le choix alors j'étais pour Bordeaux, va comprendre. Ah bah Bordeaux après, en ce moment là ils sont forts. Hein. Ben j'avais ah bah c'est vrai, ils remontent dans le palmarès, c'est normal, ils ont du bon vin. Mais attends, moi je te dis Marseille l'année prochaine ça va être chaud parce que franchement quand tu regardes le briquet, il y a marqué vaincre. Et vaincre après la mort, c'est pas grand-chose. Donc après si tu fais l'assemblage, on vous souhaite bon courage. Ça fait force. Force. Force, courage. Union, force, vaincre, d'abord périr, force. Et puis et surtout courage. Se guérir. Parce que quand t'as la force, mais on vous souhaite mon courage parce qu'avec Messi, Mbappé et c'est pas moi. Messi, Mbappé, il y a qui d'autre déjà? Après, je sais pas. Moi, je pense que si on me laisse regarder les matchs à la télé en direct, mais en direct satellite Kadhafi, je pense qu'il y a moyen que je gère un peu les joueurs d'un autre côté, d'un autre silence, parce qu'on me laisse jouer que sur papier, parce qu'on veut pas que je sois dans l'électronique. D'accord. Mais bon, ouais, non, mais c'est donné à tout le monde, hein. Il faut réfléchir avec sa gueule. Et pas avec sa queue. Tout à fait, docteur Serra, t'as eu ton marque-page ou pas aujourd'hui? On a répondu à ta question de perversion. Oh. Je suis amoureux de toutes les femmes, mais celle qui est dans mon lit, j'en ai pas, va. Alors je me la tiens. Ne cherche pas la merde avec lui, mon grand. Non, je t'en prie, laisse-le, va. Moi, je peux faire quoi avec la mienne? Elle est toute petite, va. Je la connais, la toute petite. Elle est magique. Ah, c'est vrai, je te passe le micro. Ah, bah, t'as un micro, là? C'est pas un micro, ça, c'est un verre. Allô, allô? Oui, on t'entend. Allô? Oui. Parle plus fort, il veut avoir de l'air. Mais je vous entends pas, parle plus fort. Il y a un gangster derrière. Oui, mais quand je parle fort... C'est le 2, en fait. Ou le 3. Quand je parle fort, tous les voisins m'entendent. Salut, Messi, comment ça parle? Parle pas fort, mais on m'entend pas. Et quand on m'entend, eh ben on dit la voisine elle parle seule, mais c'est bien de faire sa propre thérapie. Est-ce que tu as passé une bonne journée, Fadi? Excellente. Et qu'est-ce que tu penses de la vie? La vie est belle de Lancôme. Oh. Après, je dis va à Saint-Germain-des-Prés. J'ai été à Saint-Germain-des-Prés. J'ai pris un Monaco et je suis rentré chez moi. Il y avait une inondation, j'ai rien compris. De 10 mètres. Moi, je suis rentré dans un magasin à Marseille avec un tas de femmes. Elles étaient plus ou moins balèzes, je te le dis. C'était des baleines. Hein. Puis moi, je t'ai sauvé, Willy. Alors, quand je suis arrivé dans le magasin, j'ai dit, allez, pour qui la paire de claquettes? Puis moi, je te fais Jean-Paul Gaultier, Jean-Paul Tarté, puis tu demandes à la balance du coin. Elle est là dans le CAC 40. Parce que moi, j'appelle ça le CAC 40 parfois, j'appelle ça le tas des abrutis. Et puis surtout, vous faites quoi en psychiatrie à part glander? Eh ben, on a la réponse aujourd'hui, vous glandez, puis vous aimez les couilles et les bites et les chattes. Voilà. Désolé pour ma vulgarité, je vous en prie. Bravo. Je vous en prie, il y en a qui aiment bien ça, il y en a qui aiment ça, faire comme ça, comme ça, comme ça. Et puis devant une femme, eh ben, tu te branles parce que tu as peur. je me la tiens par la main. De temps en temps, je fais du boleman avec des pièces de 100 francs. Mais va comprendre. Et dans mon dossier, là, j'ai un dossier où ça sécurisé, tu vois. Pourquoi? Parce que pour 2 secondes de plaisir, il y a énormément de saleté derrière. Donc maintenant, la masturbation que tu m'as collée à l'hôpital de Pontoise, je l'encule avec. Et puis, je te dis, bientôt, Seigneur, je serai libéré. Je regarde un cul qui est moche. J'aime pas trop ça. Par contre, le perroquet, je l'aime bien. Il a un air de fan. Le roue de vélo, ça me fait penser à mon grand-père et à mon père. Les coquillages à l'intérieur, c'est bien sûr la Bretagne et les noix de coco. Et je vous en prie, si on se faisait une recette, grotte Saint-Jacques, à la noix de coco, beurre salé avec un peu d'huile d'olive, et puis du basilic et un peu de fines herbes, on appellerait ça la ciboulette. Allez, merci. Ciao. 5 à l'été zéro, c'est là, on l'a pas compris. J'ai bien aimé, super, le coquelin à fond. Ah, il y a un auditeur qui nous appelle apparemment. Alors, est-ce que c'est un auditrice? Alors, on sait pas encore, on va savoir, c'est la surprise. Non, faut glisser. Allô? Allô? Ah, bonjour, c'est qui? Je m'appelle Marco. Bienvenue Marco. Et j'aimerais vous féliciter pour votre émission de radio, car j'adore ce que vous faites. Ah, c'est gentil ça, merci, tu nous suis d'où? Et vous m'avez demandé j'habitais où? Ouais, j'habite où mon gars? J'habite à Toulouse. À Toulouse, ah, putain, elles Toulouse. Sont belles les Toulousaines ou pas? Elles sont belles, mais elles sont un peu grassouillettes. Ah, oh, les grassouillettes, ouais. J'aime bien, bon, tu n'as pas besoin de transpirer dessus. Hein. Tu n'as pas besoin de transpirer dessus. Tu la chatouilles un peu et puis elle est exactement. Partie en levrette. Mais elle laisse tomber. Quand tu contrôles la neige, après tu la prends, tu lui écartes les fesses au pire. Mais attends. Doucement. On est dans le cul à Serra là. La cigale, oui, j'adore. On t'écoute. On est obligé de censurer, malheureusement. On est obligé de censurer, mon ref. On n'est pas assez rock ici. Donc non, mais je vous appelais juste pour, voilà, pour vous féliciter, pour vous dire que je vous adore tous, le Marseillais. Julien, Martin, Myriam, très bonne chanson aujourd'hui. Par contre, Toulouse, c'est à côté, non? On vous entend là, en double. C'est un peu con, ça. Il n'y a pas de Marseillais ici. Le Marseillais, ah, c'est toi. Ouais. Demande à mon petit frère, va. Ah. Mais MZH, t'es pas de Marseille? MZH, mais tu carrément. Me connais, mais tu me connais pas en fait. Tu remixes mon nom, donc alors tu viens d'où? MKZ, pareillement, ça c'est pareillement parce que franchement on l'a inventé pour moi. Donc attends, essaye de retrouver le blaze parce que franchement je m'appelle pas Mamadou, je traîne pas dans la gadou. T'es le meilleur. Je connais pas ton blaze, mais t'es le meilleur. T'inquiète. Bah, c'est Mamadou alors, allez, salut. Bah, ta gueule aussi, et puis allez. Bon appétit. Oh là là là là. Bah, en tout cas, merci de nous avoir appelés. Bon, voilà, je vous embrasse tous. Ouais, ok. Bon, moi, c'est Makaya pour les intimes. MKZ pour les salopes. Et je remercie le monde. Excusez-moi pour mon impolitesse, on était sur Diffoul. Diffoul et Romano. Il va finir contentionné, lui. Oh là là. C'est sûr. Celui-là, il va être attaché comme un animal. Vous pouvez nous appeler à chacun. Appelez le docteur Serra. Bah, en tout cas, vous pouvez nous appeler. Donne ton numéro en direct. Hein. Au chacun un numéro. Chacun. Non, non, mais le tien. Le mien, c'est trop de faire. Non. Alors, vous pouvez nous appeler à mon numéro. Hein. C'est quoi, là? 06 58 49 0101. Voilà, appelez-moi. On répète, mais un peu plus doucement. 06 pour les intimes. JF, tu veux dire quelque chose, JF? Non, on va Jeff dédicacer un morceau, ça vous dérange pas? Je peux dédicacer un morceau parce que t'es dans les saloperies, qu'on termine un peu les saloperies. Jean-François qui n'a pas parlé. Jean-François, prends un micro. Tiens, je prête le micro. Mais il lui faut 2 micros parce que même quand il parle, on l'entend. Attends. Vas-y, Jean-François. Bienvenue à la radio. Métanayard. Jean-François, c'est un des premiers à faire la radio. Tous c'est ce que tu as écouté à la radio, les premières émissions, c'est Jean-François. Jean-François et Amina. C'est top. Jean-François, est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui? Tu as quelque chose de spécial à nous dire? Est-ce que tu veux tirer les cartes par hasard? Pourquoi pas, mais à qui? Est-ce qu'on a des cartes? Qui veut se faire lire le... Loïc. Moi, je veux bien, moi. Loïc. Je suis un expert en cartes aussi, j'adore ça. Non, c'est Loïc, on a tous choisi Loïc à l'humanité. Loïc, c'est toi, Loïc? En fait, okay, c'est Loïc. MKZ. Venez, Makaya pour les intimes. MZK. Et Makaya... Espace en bas, là, tu mets le trait du bas et tu rajoutes BZH comme la Bretagne. Tu veux le vrai carte ou pas? Vraie carte ou fausse carte? Non. Je vais faire ça avec les chiffres. Ouais, parce que il faut dire que Jean-François, il fait l'astrologie astrale. Ouais. Il a besoin que les chiffres. Et il a le tarot dans la tête et il fait avec les chiffres pour pouvoir. Mais il est très fort. Il est très puissant. Ouais. Il est très fort. La semaine dernière, il m'a dit mon horoscope et il m'a dit des trucs vraiment. Il pouvait pas savoir sur moi, genre vraiment. C'était Il allait dire que un des de mes parties, soit j'allais être cocu, soit j'allais faire cocu. Bah, j'ai fait cocu, figurez-vous. Donc voilà. Ouais. Donc, tout ce qu'il dit est vrai. On est fiers ou pas? Pas du tout. Ouais. C'est bien. C'est parce que t'as trouvé l'amour, pas mieux. Parce que moi, je l'ai perdu un jour et je le retrouve un jour. Et puis, on regarde même. J'ai pas trouvé l'amour, j'ai trouvé la mort. J'ai trouvé la mort parfois, elle était surnaturelle. Doucement avec les micros. Non, lâche pas le micro parce que sinon tu vas nous casser les oreilles. Vas-y, on va attendre Jean-François, on écoute. Attendez, vous ratez quelque chose là. C'est l'astrologie totale, il lit les cartes, il lit le numéro. C'est alors, bonjour. Moi je vais mettre un peu de musique de fond. Ouais, sur Franco, la s'il te plaît. Tu peux mettre une musique de fond. Ouais, je la mets, elle est toute Bonjour GF. Attends, il faut tenter, c'est le 1. C'est le 1, Loïc, c'est le. Enfin, Siol, c'est le 1. C'est le 1. Même plus fort, le 1. 1, 1, 2. Plus fort, le 1. Bonjour. Et lui, c'est quel numéro ton micro, Jeff? 2, voilà, 2. 1, 1, voilà, 1, voilà, 1, voilà, voilà. 1, 2, 1, 2, ça va? Bon, bonjour Loïc. Bonjour Jeff, ça va? Ouais, ça peut aller. Moyennement. Alors Loïc, déjà de quel signe tu es? De quel signe tu es, Loïc? De comment de quel signe? Ah, je suis taureau. Déjà, bon, le taureau tient la route. Il sait ce qu'il fait toujours, il sait ce qu'il veut. Il n'a jamais la fait. Jamais. Et ton ascendant? Je sais pas du tout. L'ascendant, c'est le calcul, l'heure de naissance que tu es né. Je sais plus. Je sais plus du tout. Quand on... Je sais plus du tout. Noisy sec. Un micro, on a 5 micros autour. Noisy sec, mais je sais plus vraiment l'heure. Est-ce que c'est vraiment c'est honteux hein. À peu près, genre. Non. Allez. Exactement. Il faut exactement. Les ondes ouais. Avec. Pour être précis, c'est compliqué. Hein. Je sais pas. Faudrait que tu demandes à ta mère. Ouais. Maman Luciole, vous pouvez nous appeler. Appelez-le sur son numéro et vous nous donnez son heure de naissance. Je vais appeler, je vais dire vraiment, je suis à quelle heure. Voilà. Maman. Loïc, tu vas me donner 5 chiffres de 22, pas les mêmes. 5 chiffres de 1 à 22, pas les mêmes. Ok. De 1 à 22. Ok. 5. 10. 20. 5, encore 2, pas les mêmes. 18. 18. 9. Encore 9. Bon, dans ce tu es tout seul, tu es un être seul, tu te diriges par toi-même. Tu ne comptes que sur toi-même. Tu as une certaine sagesse, mais on dit tempérance quand même. Il faut mettre dans ton caractère de l'eau dans le vin. T'as un caractère qui n'est pas si facile que ça. Apparemment, tu parais tempéré comme ça. Mais je pense que quand tu dois monter, quand tu dois être en colère, ça doit partir. Oui. Malheureusement. Devant les soucis, toujours t'es apaisé. Ça ne t'inquiète pas, les soucis. Toi, qu'il y ait des soucis ou pas, c'est pareil. Ça ne change rien pour toi. C'est vrai. Ah, par contre, t'es amoureux. Alors, je sais pas, si t'as l'amour de la sagesse, de la paix, c'est ça? Plus ça. Bah, mais il y a beaucoup de jalousie autour de toi. De quoi? Beaucoup de jalousie. Probablement, je pense. On parle beaucoup de toi. Mais pas forcément bien. Je crois qu'il y a beaucoup de critiques. C'est la jalousie des gens. T'es à la nuit, tu ne vois pas clair, tu ne le vois pas. Tu vois pas le jour. Tu vois pas ce qui se passe autour de toi. Tu vis le jour. Oui. tu as beaucoup d'intelligence. Tu es très rapide, tu es très intelligent. Ça, je sais pas, mais peut-être. Et ce qui t'apportera de l'argent plus tard, énormément d'argent. Parce que ton intelligence, que tu t'en sers à... Tu as raison, dans la merde. Tu as raison, t'as déjà eu un pistolet en face des yeux de chaque fois. T'as raison. Tu l'as déjà eu ou pas ? C'est bon, on est chacun à sa place, Macaya. Voilà, il y a sa place. On écoute. Chacun peut parler. Tu crées des jugements. Mais comment ? Des jugements ? Je vais terminer une fois. C'est-à-dire ? Malgré ta sagesse, tu juges les choses. Tu juges. Et tu ne devrais pas juger parce que ça t'arrête. Quand tu rencontres quelqu'un, ne jamais quelqu'un sous son apparence. Jamais. Ouais. Ça, c'est vrai. Accepte-le comme il est, mais ne juge pas. Évite. Ça te bloque devant la personne, tu n'arrives pas à avancer. C'est ça. C'est ce qui s'est passé pas mal de fois dans mes relations. En général, je me fie à mes expériences que j'ai vécues et à ce que je vois à travers la personne, ou ce que la personne me donne, enfin me renvoie. Et je juge directement avec ça, et après, ça me bloque en général. Malgré ton jugement de ce que tu es monétairement et dans l'esprit, tu es assez rapide dans l'esprit. Tu peux gagner énormément d'argent avec l'esprit que tu as. Parce que tu es assez créatif, je pense. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a une femme. Dans ta vie, il y a une femme. Non. J'ai pas de femme. C'est peut-être ta maman qui écoute. Après, à tes côtés. La relation avec la mère. Mère et enfant. Ok. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué comme ça, enfin, dans ce sens-là. Je comprends ce que tu veux dire. Important. Tu rayonnes, t'as un rayonnement magnétique qui met à l'aise les gens. Tu dégages quelque chose de bon, pas de négatif. C'est ça qui va te rapporter beaucoup d'argent parce que tu seras très communicatif. Je sais pas, peut-être dévoué peut-être à la scène. Quelle scène ? Musicale, théâtrale ? Oui, je sais pas, la scène, la communication. D'accord. Par contre, Le nez et les yeux. Le nez et mes yeux ne pouvaient plus. Alors, si vous n'êtes pas toujours pilotier, vous pouvez attraper le rhume. Par contre, tu es doublement tout seul et tu t'en sens très seul. C'est vrai que tu l'as caché la gueule. Pas vrai ? Oui, c'est vrai. Donc, dans tes amis, t'en as pas. J'ai des amis, mais je pense que c'est moi qui me... Tu t'adaptes aux gens ? Ça dépend des gens. Mais récemment, je me suis quand même pas mal amélioré, je trouve, dans l'acceptation de la personne et dans l'adaptation de la personne. Je crois que tu as du mal à t'adapter aux gens. Ça dépend. Parce que déjà, tu as ta personnalité. Quand on te voit, on a envie de t'approcher, mais on hésite. On hésite pourquoi ? Parce que c'est l'approche qui est difficile vis-à-vis de toi. On voudrait dire des choses. Non, c'est pas la peine. On voudrait te communiquer des choses. Il y a des gens certainement qui veulent te dire des choses très importantes pour toi. Mais tu les refuses d'avance. Déjà, dès l'approche, tu refuses la communication. Tu refuses la communication. Parce que ta personnalité veut que tu sois seul. T'aimes bien la solitude. Je suis solitaire. Très solitaire. T'es un grand solitaire. Je suis introverti, donc. J'aime bien être un peu seul, des fois. Je suis comme ça. Après, je peux lui faire la lecture de ces lignes aussi. Mais sans stylo, sans papier, sans calcul. Il y a le temps, ça reste le temps, et après, ça peut bien qu'il y a pour un. C'est vrai que c'est intéressant. Ça pousse à la réflexion. Attends, je crois qu'il y a un Loïc. Oui. Je vais faire le calcul de tout. On va voir si c'est bon ou pas. C'est un gars très juste, et même trop juste vis-à-vis des autres et vis-à-vis des gens. C'est une question assez complexe, parce qu'en réalité, c'est par rapport à la stabilité, mais est-ce que un jour j'arriverai à être stable ? Je crois que tu es stable de toi-même. Enfin, personnellement, si je vois une voyance en direct, c'est quelqu'un de très stable. Tu te gères toi-même dans les vies. Et tu es très indépendant. Très. Trop indépendant même. Et c'est ta stabilité à toi. Dans la vie, ou stable dans la vie, c'est-à-dire avoir une maison, avoir un toit, plutôt émotionnellement, enfin dans ma vie, dans le futur, est-ce que je serai en capacité d'être stable émotionnellement Donne-moi 5 chiffres. Mais je pense qu'en réalité, c'est très compliqué. Donne-moi 5 chiffres. Je peux t'aider à répondre à cette question. Donne-moi 5 chiffres de 1 à 22. C'est ça. De 1 à 22 encore mmh. Ok. Pas les mêmes. Pas les mêmes. 15. 8. 3. Moi quoi 1. Et encore le plus important. 4. Ben, tu seras un empereur plus tard. Tu seras quelqu'un de très stable. Sois maître de toi-même et maître des autres. Tu as une sécurité tout à fait normale. Avec des soucis, bien sûr, mais ils sont un ennemi. Les soucis sont un ennemi. C'est pas encore évoqué. Ta sécurité n'est pas encore évoquée. C'est ça? Oui. Bah, en réalité, ma sexualité. Par contre, t'as l'habileté, l'intelligence, t'es très habile, très intelligent, t'as l'habileté et le travail. Tout ça, tu vois, tout le temps. T'as bosseur, de toute façon, le taureau est bosseur. C'est toujours le terrain. T'es quelqu'un de terrain. En vrai, ça dépend du travail. Ça dépend. Dépend, en fait, si ça me plaît. Si tu penses faire un voyage? Comment? Tu penses faire un voyage? Non. Ou déménager? Tu penses déménager? Déménager? Oui, j'espère. Tu vas déménager? J'espère. Tu vas déménager, effectivement. Tu vas déménager et après tu trouveras un boulot. Tu trouveras du boulot dans ce que tu veux. 9, tu seras seul quand même. Hein. Il y aura toujours la justice. Tu seras pendu à une femme. Je sais pas si c'est à un moment une femme que tu rencontreras. Pendu? Pendu, tu seras attaché, ça veut dire. Ah, ouais, mais oui, non, parce que oui. Voilà, c'est agressif, hein. Pendu, c'est-à-dire... Oui, c'est accroché, quoi, tu attaché. Tu seras pendu. Oh, mon Dieu. Par contre, sexuellement, tu n'es pas éveillé. Comment? Excuse-moi, tu n'es pas éveillé sexuellement. Éveillé? Tu n'es pas éveillé. Non, bah... 21, par contre, t'as la réussite. t'as le monde à toi. Après, t'auras le monde à toi. La sexualité ne m'intéresse pas trop, en réalité. J'ai le cœur en abîme, pas de soleil sur ma peau. J'ai le cœur en abîme, pas de soleil sur ma peau. J'en passe des nuits à caresser du papier. D'être de toi. T'auras toujours la sagesse. T'es un gars qui repart toujours de l'avant. Tous les jours, tu repars avec ton petit ballon et tu vas de l'avant. C'est tout ce que je peux te dire. C'est un bien-être pour toi parce que tu vas toujours de l'avant. Tu ne penses pas derrière ou devant, tu vas toujours de l'avant. Tous les jours, quand tu repars, tu dis bon, bah, il faut faire ça, tu le fais. Tu ne te poses pas de questions. Ça dépend. C'est important. Oui, c'est vrai, mais ça dépend. Mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué. Le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu te dis? Rien du tout. Rien. Bon bah tu te poses pas de questions. Non. Tu vas de la fin. Merci François. Ouais. Bon merci ça. Merci beaucoup Jean-François. Merci GF Santier. Merci beaucoup. GF, c'était génial. C'est excellent. Comment Jean-François peut percer toutes les barrières de l'esprit pour arriver à trouver ce qui est à l'intérieur de nous. À partir de 15 jours, dans 15 jours, vous pouvez reprendre Radio Métanoïa et l'astrologie astrale de Jean-François Ancien. Merci beaucoup. Toujours aussi perspicace. Un, deux. À mon tour. Tu veux essayer avec moi, Jean-François? Je t'ai fait ton astrologie en 2-3 secondes. Okay. Astrologie? Signe Lion. C'est une Lyon, moi. Oui ou non? Comment? Oui ou non? De quoi? Lyon, oui ou non? Non. Ascendant Lyon? Non. Non? Quelle date de naissance? 21-359. 21-359, poisson? Non. Bélier. Bélier, ah, voilà pourquoi je ne t'ai trouvé pas, parce que j'en ai connu une là-bas. Va comprendre. Toi aussi, t'es bélier, non? Ouais, moi je suis con, comme un taureau. Mais le 21 août, ça fait plutôt Lyon. Mais le 21, il le porte. Va comprendre. Alors Jean-François, donne-moi tes numéros. J'ai pas de numéro. Bah, donne-moi une liste de numéros entre 1 et 46. Bon, 1 et 46. Entre 1 et 46. T'as 46 ans. J'en ai 46. Allez, 46, c'est ton anniversaire. C'était le 21-03-1953, c'est ça ? 59. 59. On vérifiera après, ça fait bien 46. Alors ensuite, numéro entre 1 et 46, on avait dit le 46. Donc, tu t'aimes bien parce que t'aimes ton âge. Tu es beau, tu es beau. Après, je rajoute quand même ma touche perso. Du con ou du cul ? Oh, les deux. Non. Alors, les deux. Les deux. Le con, c'est le cul. Hein. Ouais, on peut commencer par le cul, puis on finit par la chenec. Oui, mais alors, non. C'est une émission que Serra a lancée, donc oui, voilà, terminer avec Francky Vincent, ça va être sympa. Il part en vacances, il nous laisse tous à la sexualité, c'est bon. Donc, on était dans la liste des numéros. On avait dit combien de numéros, on lui avait dit ? C'est l'été, il fait chaud. Hein. Allez, 5 numéros, parce qu'on va pas être loin dans le cul, parce que là, franchement. Alors, là, c'était le premier numéro, c'était le 46. On est au loto, là. Les chiffres du loto. Allez, fais-moi le numéro chance. Allez, le numéro chance. Numéro complémentaire. Le 1. Le 1, normal. L'as de trèfle qui pique les cœurs. Mais moi, je suis l'as du poker qui pique ton cœur. Allez, va comprendre. Tu piques pas mon cœur. Là, je mets as. Non, mais en fait, tu fais la jalousie. Il en faut beaucoup. Bon, c'est pas grave. Allez, l'as. L'as des as. L'as, as, des as. Bise à Dédé. Bise à Dédé, prends un Dédé et gratte-toi, va. Et après ? Bah, tu auras peut-être gagné 1 million. Tu passeras à moi, va. C'est bon ? Je vais répondre. Au tabac, alors. Au tabac. Parce que le tabac, c'est tabou et on en reviendra tous à bout. Allez, c'est parti. Numéro complémentaire parce qu'on a une liste de 5 numéros. 1, 2, il t'en reste 3. Je dois donner un numéro ? Bah, on a ta 5 numéros et entre 1 et 46, je t'attends, mon petit. Le 7. Le 7, eh ben oui. Eh ben tu sais quoi ? Tu as déjà été footballeur, non ? Ouais, c'est fou. Hein. C'est fou, hein ? Alors on va te mettre Cantona. Tu es capable de venir avec moi sur la plage à ton âge de 46 ans ? Parce que 46 ans, normalement, c'est l'âge à Cantona. Tu es capable ou pas ? J'ai 63 ans, mon bonhomme. Bon, écoute, tu es un menteur. Alors on va mettre Cantona, impossible à la plage. Pourtant, tu es bronzé, tu as enlevé le t-shirt. À la plage, va comprendre. Tu étais en vacances ? Jean-François, tu étais en vacances ? Oui, je suis parti en vacances. Tu étais où ? À Saint-Brieuc. Saint-Brieuc. Il y a du soleil comme ça à Saint-Brieuc ? Ben oui. Putain, il fait beau la Bretagne. Tu es breton ? Non. Ben, il n'a pas plu sur toi, c'est bizarre, t'es un con. Attends, en Bretagne, on la connaît l'expression, il pleut, on va faire. Excuse-moi, je fais plein d'erreurs. Hein. Pleut que sur les camps. Non, mais on n'insulte pas les... Non, mais vu qu'il a pas pu sur lui, il est pas con. Donc, tu es pas con. On n'insulte pas les invités. Donc, tu es pas con. Hein, voilà, je te rajoute la dédicace. Allez, on repart dans les chiffres. Parce que là, c'est un peu trop. Je pouvais aller très loin, mais bon, on va y aller trop près. 46, 1, 7. Et après, je te fais le résumé, la conclusion de ton aide, puisqu'on était parti sur l'astrologie astrale. Allez, vas-y, dis-moi le numéro. Lequel ? Bah, t'es dans ta liste. Hein. 1, 46, je te laisse faire le numéro, puis je te fais l'addition. 1,46 Ah, on va la faire l'addition, ça va être sympa, tiens. Le 2. Addition. Le 2. Là, il cherche à calculer. Bon, tu as déjà retenu le numéro d'une carte bleue ? Tu as déjà volé, alors. L'as des voleurs. L'as des voleurs. Maintenant, on va arriver à la question fatidique. Es-tu riche ? Le 2. Pourquoi le 2 ? Tu as deux enfants ? Non. Pourquoi tu dis le 2 comme ça, sûr de toi, le 2 ? Qu'est-ce qu'il est pour toi, le 2 ? Ça représente exactement une papesse, c'est tout. Une ? Une papesse. Une papesse ? Ben, bah, fais-moi un petit cours de français, je connais pas une papesse. Bah, le pape et la papesse, c'est tout. Donc, tu es le curé. On va te mettre curé. Curé de l'église des enculés. Mais curé tout court. Hein. Allez, c'est parti. Il nous manque encore 1, 2, 3, 4. Et le numéro complémentaire, le 5 ? Non, c'est ça ? Non, le 9. Allez, le 9. Ouais, bah oui, forcément, Benzema, peut-être que tu l'auras cette année. Tu veux le ballon d'or ou tu veux quoi avec le 9 ? Oh, je peux tout avoir, bronze, d'or et argent. Donc tu as l'argent et t'es un mytho parce qu'on attend ton association. Donc où est ton association ? Elle est déjà montée, j'en ai monté 5, pauvre con. Pauvre con, ça m'insulte en plus. On et a sur... dit, on n'insulte pas. Tu peux avoir les adresses pour moi perso, pour essayer de t'aider ou pour manger de l'associatif ? Est-ce que je pourrais avoir une autre feuille ? Merci, je prends ma feuille. Donne-moi les adresses de tes associations que je viens de t'aider. Je profite un peu parce que je suis quand même... Alors, le GEM ? Oui. Je le connais celui-là, mais c'est pas le sien. C'est possible, ça. Ouais. Prends le micro. Non, mais attends. Allô, allô, je suis responsable du jeune de Mondi. Bon, je te laisse la parole. On est dans son astrologie. Non, je t'en prie. On a déjà l'addition ? Oh là, l'addition. Alors, 1 plus 9, ça fait 10. Alors, tu 1 peux plus parler. 9 égale 10. 7 plus 2 égale 8, 9. 9 et 46, donc ça fait 56. 56 plus 9, c'est un numéro pile poil, c'est le 60. 60, tu peux aller dans l'Oise faire tes associations. Allez, Jean-François, ouais, habitant de l'Oise. Macaya. C'est drôle, il y a un côté très comique de ça. C'est bien l'astrologie comme ça, l'astrologie humour. Et je le place à Jean-Pierre Loiseau. Tu devrais faire un one-man show. Je t'en prie, j'aurais dû te garder le malais quand je suis arrivé. C'est bien, bien, merci. Tu peux être le nouveau garder le malais. Hein. Bravo, Magaya. C'est bien, c'est l'humour. C'est clair. Je partirai sur un voyage cool, il faudrait qu'on m'écrive un peu les textes. Oui, c'est super, Magaya. C'est le truc à l'Oise. À l'Oise. Il est drôle. Il y a le côté drôle, hein. Le côté un peu... Si on enlève le côté agressif, c'est drôle. C'est ça. Hein. Bon, est-ce que tu veux... Tu refais ma musique ? Oui, tu refais ta musique, mais Pedro, je voulais nous dire quelque chose sur sa colonne gastrosophie. Parce que tu nous as laissé penser en sexe tout le temps. Donc là, rattrape-nous, s'il te plaît. On est parti sur la sexualité astrale. C'est ça, hein ? C'est ça, Jason, non ? Voilà, tu prends le micro, hein, et après c'est... Après, c'est toi. Voilà, on a sorti le masque. Après, c'est toi. Attends. Pedro et la colonne gastrosophique. Il y a des toilettes, hein. Ah, mais le fumier, c'est un peu mieux. Oui. Voilà. Après, on va venir en beauté avec ta chambre musique à toi. Il y a que d'elle qui a le code. Attends, ça marche au micro. Et merci pour tout l'ordre que tu as fait dans la radio aujourd'hui. Elle a tout arrangé. Elle a nommé. Café, tout le truc, la mise de nom. C'est bien, c'est excellent, elle a fait le ménage. C'est qui elle ? Comment elle s'appelle ? J'ai oublié ses noms. Vas-y, j'ai l'Alzheimer, comment tu t'appelles ? Padilla. Voilà. Merci beaucoup parce que tu as tout rangé en silence. Tu as mis les noms aux choses. Prends le micro, on a plusieurs micros là. Monsieur Chira, il dit quand est-ce que vous invitez ? Vous voulez ? Quand est-ce que ? Vous m'avez dit quand est-ce que vous invitez ? Moi, je veux bien vous inviter. Mais vous voulez pas venir ? Non, là, c'est la veille de votre départ en clinique, on verra ça. Quand que je pars ? Ok, on verra ça en septembre, Mardi. Poison. Bon. Par mardi ? On est quel jour ? Poison. Allô ? On est mercredi. Le 26. On est le 26 ? Dans 6 semaines. Et pourquoi ma boîte aux lettres avait ouvert ? C'est pas sérieux ? Ah, je ne l'ai pas dit, docteur. Il y a quelqu'un qui est venu pour mes travaux. La secrétaire m'a dit qu'on parlait avec docteur Sierra. Okay. C'est bon. Un monsieur qui vient de la part de ma curatrice. Ici, je suis que chroniqueur de la gastronomie. Il va parler de gastrosophie. Il vient de Bondy à Vita. On va écouter la colonne de gastrosophie avant de passer à la musique à nouveau. Vas-y, Pedro, on t'écoute. Non, je voulais parler donc aujourd'hui d'alimentation et été. Parce que l'été rime avec chaleur. Hier, c'était une journée extrêmement chaude. Il faut penser à s'hydrater. Et surtout, ne pas trop bouger. Et respecter une alimentation plutôt légère, disons. légère rime avec plaisir, rime avec bière, ou rime avec des courgettes et des pommes de terre. Pourquoi on ne parle derrière ? Il y a plein de tomates. Les tomates aussi. Les courgettes derrière. Voilà. Donc on a souvent, quand on était petit, été éduqué par une alimentation très carnée et protéique. Et je pense que nos corps, surtout quand ils ont chaud, ils nécessitent beaucoup d'eau et des choses légères pour ne pas alourdir encore ce qui est déjà très lourd, comme la température très élevée. Hier, j'ai observé qu'on a battu tous les records européens de chaleur. On était à 45 degrés. Et donc, je vous invite tous à être très, disons, économes dans la manière de vous nourrir pour protéger l'estomac, le corps, les dents, la tête et l'énergie de la vie. Monsieur Bias, vous avez des choses à nous raconter ? Sur quoi ? J'ai vu qu'il y avait vous avez des formations encore en astrologie astrale. Vous avez fait le map astral de certains ici aujourd'hui ? Oui. De qui ? De qui ? De Loïc. De Loïc. Et ça a coïncidé avec des vérités ? Oui. D'accord. Selon sa personnalité, c'est quelqu'un de très très seul qui communique avec les gens difficilement. Il contacte beaucoup de monde, mais il s'y attache pas. C'est quelqu'un de très, très solitaire. D'accord. Et vous avez pu voir ça dans les chiffres ? Oui. Il est incroyable, oui. Jean-François, chaque fois, la dernière fois, c'était Magali. Non. Magali. Myriam. Myriam. Je veux dire ce que c'est. Oui, il nous salue. Je peux donner la solution de ce mec-là. C'est ce qu'on appelle l'étude des comportements. Et ça, c'est son astrologie de son étude de comportement qu'il a fait lui-même. En fait, il s'est dénoncé. Il s'est dénoncé de quoi ? Je suis pas du tout d'accord. Moi, la dernière fois, il m'a fait des trucs. Je le connaissais à peine. Je lui ai parlé deux secondes. Il m'a dit des trucs très profonds. Et je me posais une question sur quelqu'un. Et ça s'est avéré vrai alors que je lui ai rien dit de ma question. Je lui ai rien dit de moi. Et je sais qu'il y en a, ils sont mentalistes. Ils peuvent voir des choses sur le comportement. Mais il y a des choses, faut arrêter. Après, on y croit, on n'y croit pas. On croit au monde spirituel et à tout ce qui est lié ou pas. Mais il a vraiment du talent. Voilà, je voulais le dire. Ça s'apprend, de toute façon, tout le monde peut l'apprendre. Sur les cartes, on apprend, il y a la parapsychologie, les parapsychologues, c'est des études très très approfondies. Sur les astres, sur les étoiles, surtout. Sur la Lune, sur comment les positionner, sur les signes astrologiques, sur c'est l'eau, la terre, le feu, il y a tout. Hein, c'est très très complet. Si vous prenez le tarot de Marseille, déjà il y a toujours 3 ou 4 couleurs. Sur une carte, il y a 3 ou 4 couleurs. Ou 5 au maximum. Mais les couleurs principales, c'est le rouge. Le rouge, le. Vous avez une carte, s'il vous plaît ? Le rouge, c'est pas une carte, attendez, c'est bon. N'importe quelle carte. N'importe quelle carte. Sur la radio, tu viens voir. Non, c'est une carte. Ça, c'est une carte. C'est une carte mineure. Majeure. Voilà, il y a le bleu, il y a le rouge, il y a le jaune. Et le blanc, bon, ben, le blanc, c'est normal. Hein. Il y a quelques. Par exemple, là, la tempérance, ça représente le 14. Ça veut dire l'eau dans le vin, ça met du temps à se. L'eau dans le vin. D'où le secteur 14. Voilà. Ça met du temps, justement. Les gens ont du temps à se remettre. Secteur 14, c'est du 7h14. Voilà une cliente pour votre astrologie numérique. Bonjour, bienvenue. Donc, allez-y, vous pouvez pratiquer. Elle vient d'arriver. La consultation est gratuite. Assieds-toi, Méline. Oui. Il va te donner. Juste que vous prenez un micro. Comment vous appelez ? Vous prenez un micro, là. Il y a derrière le crayon, là. Ouais, voilà. C'est quel numéro, le micro ? Vous pouvez me dire quel numéro est sur le micro ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends, allô, allô, allô. Oui, là, c'est bon. Je crois que ça marche. Ouais, tu dirais que la dame a des beaux yeux. Oui, non, ça marche. Merci, ça marche. Docteur. Très beaux yeux. Merci. Oh. Je t'en prie. C'est pour l'astrologie ce soir. D'accord. Monsieur Biaz, Néline. Quel signe astrologique? Comment vous appelez déjà? Néline. Lyon. Lyon. Déjà, Lyon, c'est sûr de soi, c'est très sûr de soi, ça arrive toujours à ce que ça veut. C'est très, très méthodique. Très, très méthodique. C'est aussi très, très spirituel. Un peu, oui. Qu'est-ce que je veux dire? C'est toujours sûr de soi. Oui. Surtout ce que ça fait, c'est précis. C'est vrai. Ils sont très précis. On se trompe très très rarement. Quand ils se trompent, c'est qu'on leur a joué des mauvais tours. C'est vrai. Sinon, ils ne se trompent pas. Qu'est-ce que c'est que le lion encore? Le lion, ça crée des surprises. Mmh. Ils aiment bien créer des surprises aux autres. Mmh. Maintenant, ça dépend des signes. Il y en a qui l'acceptent ou pas. Bon, maintenant, vous me donnez 5 chiffres de 22, en pensant pas les mêmes, 5 chiffres de 1 à 22, pas les mêmes, mais en pensant à ce que vous voulez. 8, 4, 12, 6. Le dernier, c'est le plus important. 1. Bah, c'est le boulot. Vous êtes très habile, vous avez le travail, c'est le plus important chez vous. C'est vrai. Et c'est bien le lion. Hein. C'est bien le boss, c'est le boss. Hein. C'est le lion, c'est le boss, c'est ça. Et c'est-à-dire vous aurez toujours du travail, toujours. Vous êtes toujours en activité, toujours. C'est vrai. Vous avez beaucoup à apprendre, la curiosité, énormément de choses. Vous êtes le battleur, donc le battleur qui dit tout le temps en activité. C'est vrai. Vous aimez votre boulot en plus. Oui, beaucoup, c'est vrai. Hein. C'est ça qui vous donne un peu d'argent, qui, normalement de tous les jours, quoi. Vous avez un homme dans votre vie, et j'ai place assise. J'ai pas compris. Vous avez un homme de place assise dans votre vie. Enfin. Soit c'est quelqu'un qui est proche de vous dans votre travail. Et oui. C'est la sagesse entre vous. J'aime beaucoup de sagesse. Non. Vous comptez que sur vous. C'est vrai. Comptez sur vous parce que vous, dans votre vie, vous dirigez par vous-même. C'est vrai. Vous êtes juste, loyal et tout. C'est vrai. Vous êtes proche de votre travail constamment. Très, vous créez des transformations dans votre travail. Mmh. Vous créez toujours des transformations parce que vous coupez, vous transformez, vous coupez, vous transformez. Mmh. Ah, par contre, vous jugez. Un peu, oui. C'est peut-être un de vos défauts. Mmh. Évitez de juger les gens ou les choses. Parce qu'on juge les gens, moi je vous dis, hein, personnellement, je ne les juge pas. Parce que les gens sont les gens, on peut les améliorer, mais pas les changer. Mmh. On ne changera jamais les gens. Mmh. Le fond des gens, on le changera. On peut les améliorer. Mais quand vous jugez quelqu'un, eh ben, il est comme ça, vous bloquez devant la personne. Vous ne pouvez pas avancer devant la personne, vous ne pouvez pas l'améliorer, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas échanger, vous bloquez devant la personne. C'est comme moi, je vous dis comment je suis, vous dites comme ça et comme ça. Ben non, oui, bon, apparemment, il paraît stable, vous pouvez dire, bon, apparemment, je vois quelques séquelles comme ça. Mais vous ne pouvez pas juger quelqu'un, c'est quoi juger quelqu'un? Non, moi je ne juge personne, je n'ai pas jugé personne. Par contre, quand je vois une grosse bêtise, je sais le dire, puis à haute voix, je n'ai pas peur de le dire, c'est comme ça. 14, on demande de la tempérance dans votre caractère, de l'eau dans le vin. Vous pétez vite les plombs. Hmm, pas vrai? 10, la roue de la fortune, vous allez, ça va tourner. Après, parce que le 4, grâce à quelqu'un qui est de place assise et qui voit que vous faites votre métier avec amour, ça va certainement augmenter. Je sais pas, l'argent va tourner. Ça dépend de ta sœur. Moi, c'est mon chef. Je n'ai pas cité la personne. Je n'ai pas cité la personne. Par contre, il y a des soucis avec cette personne. Parce que vous êtes pendu à cette personne et ça vous embête. Ça vous embête d'être pendu à cette personne parce que vous aimez bien mener votre barque. Et la personne vous tient. C'est tout. Oh. Maintenant, je sais. Hein? Ah, on fait tout ça. On va faire tout ça. Il y a un rapport de... Comme la personne... Je sais qu'elle est Lyon. Et vous êtes Lyon. Il est Lyon et vous êtes Lyon. Donc, il y a un rapport de force. Okay. Avec le docteur Serra. Oui, c'est vrai. On a le même signe. À le même jour de naissance. En plus, le même jour. On laisse tomber, ça part là-bas. Oh là là là là, Sirap, je suis en train de prendre de chier là-bas. Pêcheur. 16. Va te repentir dans mon église. 16, 22, 23. 23 et 8, 31. 31. On m'assoit à côté de mon téléphone, je regarde du porno, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Bah, vous avez une sagesse dans votre métier, c'est-à-dire que vous trouvez une certaine paix dans votre métier selon votre entourage. Et c'est ça la plus grande force que vous avez. C'est tout. Au revoir. Merci beaucoup. Docteur Serra, vous voulez pas boire un thé ou une infusion? Non, merci beaucoup. Comment vous embauchez vos employés, monsieur Serra? Par leur qualité, bien entendu. Vous faites quoi? Par leur qualité ou les dresser? Oui, il y a un CV et puis un entretien d'embauche. Est-ce que vous voulez chanter? Vous pouvez m'embaucher ou pas? Parce que moi, je cherche une formation capacité. Vous pouvez chanter? Il paraît qu'il y a un peu tout. Il y a du droit de l'économie. Si c'est le soir. Fadila va chanter maintenant. Je suis un cul. Faut me le dire. Si t'as pas vos déchets ou pas. Attendez, allez-y. Allô, Louis, nommé sur Mam. Allô, l'équipe. Bonjour. Le curé de Cucugnan. Le curé de Cucugnan. Si maman, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Et le temps défile comme un train. Moi, je suis à la fenêtre. Je suis si peu habile que demain, le bonheur passera peut-être, sans que je sache le reconnaître. Si maman, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris. Et mon cœur aussi, mon cœur est confortable, bien au chaud. Et je laisse passer le temps. Mes amours peignent, je leur tourne le dos. Et je chante doucement pour toute l'équipe de Neuilly-sur-Marne, Robert Ballanger et Monsieur Serra. Allô, docteur Chalpiel. Allô, madame Barès. Nadia, mais où êtes-vous? Je vous cherche partout. Vous me manquez, vous savez, mais celui qui me manque le plus aussi aujourd'hui, c'est monsieur Binet. J'arrête pas de chialer. Comme une Madeleine. Allô? Oui, Madeleine. Madeleine, opéra. Docteur Serra, c'est pas juste. J'étais à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, j'ai pris à Monaco. Et je me suis retrouvé là. Pourquoi? Merci. Bravo. Beaucoup. gigantesque. C'est bon ? Allô ? Et j'ai mis la musique, mais... Ouais, elle est là. C'est bon ? Of a possibility in a Understand. C'est bon? Ok, bah je recommence. Over, over, yeah. Voyelle. Of a possibility in a big city, perfection, reality, perception, big ability, will have ability. I don't trust infertility, the worst is fertility. We'll cherch sense in the sense, cherch in the sense. I'm not mess, I'm in trance, and the sense in the sense. Orchestrate my brain, never hand the process, resenting a mindset. I'm in home, in observe the world, timeless bro, brain fuck, hello. Discontrol, listen, future past, illusion, present, transition. Love awake. Love, love, love, love, love awake, be aware, be aware, be aware, love awake, love, love, love, love, love awake, be aware. When I'm depressed. Merci à toi, bienvenue. Hein. La semaine prochaine, c'est fermé, mais dans 15 jours, ça va. Allez, chérie. 1, 2. Donc, pour terminer et clôturer cette journée un peu bizarre où Dr Serra a lancé le sujet, finalement, c'était la sexualité au général, parce qu'on ne va pas dire l'homosexualité et compagnie, est-ce que chacun mange ce qu'il a envie de manger. Donc, on va terminer par, justement, le restaurant de Francky Vincent. Et bonne écoute à tous. Allez, merci. À bientôt. Et c'est les vacances de la radio. Retour au mois d'août. Allez, bisous. Makaya. Minamaika. Again and again and again and again, parce qu'on n'a pas le choix. Avec ma mamie aujourd'hui. Je ne suis pas ta mamie, je suis encore jeune, j'ai 40 ans. Allô, il faut faire. Sugar égale PTT, petit travail tranquille. Égal contre-esprit malin. Va comprendre, ça vient du ciel et d'ailleurs. Mouah, bisous. Papy de Deuf, tu m'entends? Merci pour le médicament, j'avais raison sur le dosage. C'était 2 mg aujourd'hui, mais grâce à moi et grâce à la foule, j'ai réussi à évacuer. Je te remercie. Je te remercie la radio, je te remercie moi-même et je te remercie tout le monde. Merci tout le monde, les gars. Force à toi, JJ, parce que c'est grâce à toi que ça a commencé cette journée. Big up à moi, JJ. Toujours là, Jason au taquet et il a ça du ciné ici, il le sait. Regarde-moi ses beaux yeux. Ra. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Guaro Franky, je sens tes groseilles. Parole pour ceux qui veulent s'en regarder, c'est Francky Vincent le restaurant. Monde d'enfoiré, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous allez travailler chez Francky. Bande de malpropres. Bande de malpropres. Monde d'enfoiré, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous allez travailler chez Francky. Bande de malpropres. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser.